Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le dernier délire d'Eric et Ramzy. Eric est un policier un peu obtus et pas très gradé. Il a une femme dans sa vie, Juliette, qu'il doit épouser dans quelques jours, et un homme, Ramzy, esthète de la cambriole, son ennemi juré qu'il cherche à mettre sous les verrous. Je le rate pas cette fois-ci, je vous jure. Jamais! Il s'attrapera jamais! Arrête-toi! C'est les Champs-Élysées là-haut! Vous êtes où les Arabes? Trouvez pas ça chelou quand même? Y'a personne? C'est trop chelou. Moi, je dois avouer que ça m'arrange. Hein. Je devrais être mort à cette heure-ci. Les frères Boublier, on y te cherche. À droite. On est déjà passé par là. Ah, ben donc, ils s'en foutent de l'argent. Moi, je donne des directions. S'il ne faut pas prendre les directions que je donne, on va pas faire pire. Même si j'ai dit tout droit comme ça, il connaît la main. C'est la main qu'on suit. Tout le monde avait libre. Christian, tu montes du Charles Aznavour? Quand tu penses là, ça fait 15 jours, normalement je suis marié déjà. Pas de chance, hein. Le mariage, Gervais! Le mariage! Vous allez épouser un criminel. En attendant, ma femme, elle s'est pas barrée parce que je picole! Seul tout, un film de et avec Eric et Ramzy, un DVD Warner Home Video.